La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la République pourrait-elle perdre connaissance ? Connaissance étant mis au singulier ou au pluriel, c'est comme on veut. Je n'ai bien sûr pas les compétences qui me permettraient d'énoncer tout ce qu'implique le fait de vouloir faire vivre la République comme un bien commun. Mais il me semble que parmi toutes les exigences à prendre en considération, il y a celle-ci. Dans la République, la connaissance, les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre, s'enseigner et s'apprendre sans rencontrer trop d'obstacles. Montesquieu l'avait déjà exprimé à sa manière. C'est dans le gouvernement républicain, écrivait-il, qu'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Fin de citation. Cet avis n'a pas de quoi étonner puisqu'il est affaire de cohérence. D'une part parce que la connaissance est quelque chose de républicain, au sens où elle est affaire publique. D'autre part parce que la République, à défaut d'être elle-même savante, accorde à la connaissance une valeur propre, une valeur spécifique, une valeur que toute connaissance possède du seul fait qu'elle est une connaissance. Il y a donc comme une intrication entre l'idée de république et la notion de connaissance. Cette intrication relève peut-être aussi, tout simplement, de ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit, cette sorte de souplesse intellectuelle qui rapproche les hommes. La politesse sous toutes ses formes, écrit-il, politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduit dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité un partage équitable de la considération. Fin de citation. Mais aujourd'hui, la donne a changé, notamment parce que nous constatons que nous devons continuer à apprendre et à nous former tout au long de la vie. Comment nous organiser ? À l'heure de l'explosion du numérique, comment nous préparer à l'apparition de nouveaux métiers et nous adapter à la disparition de certains autres ? Est-il possible de concevoir des formations pour tous ? À tous les âges de la vie. La société tout entière pourrait-elle se mettre elle-même à apprendre et à apprendre sans cesse? Pour discuter ces questions, j'ai invité François Taddeï. Bonjour François Taddeï. Bonjour. Vous êtes généticien, vous avez dirigé une équipe INSERM à l'Université Paris-Descartes sur l'ingénierie des systèmes et les dynamiques évolutives et vous militez, on peut dire ça comme ça, par ailleurs, et en même temps pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l'éducation. Alors j'ai lu, je savais déjà d'ailleurs, que vous dirigez le CRI. Comment est-ce qu'on dirige un CRI et qu'est-ce qu'un CRI ? Alors, le CRI, c'est l'acronyme de différentes choses. Ça peut être un centre de recherche interdisciplinaire. Ça peut être aussi un carrefour de rencontres intéressantes ou un lieu où on catalyse des recherches innovantes. C'est un lieu dans lequel on essaye de partir de la créativité et de l'envie de faire autrement, puisqu'il y a des tonnes de lieux disciplinaires qui savent, chacun à sa manière, creuser son sillon dans sa discipline. Nous, on essaie d'être un lieu qui facilite l'émergence, qui facilite la possibilité de faire des choses qu'on ne peut pas facilement faire ailleurs. Mais vous n'avez pas choisi cet acronyme au hasard. Non. Vous avez envie de crier. Oui, quelque part, il y a le côté cri du cœur que l'on peut souhaiter porter haut et fort, ce cri du cœur qui est ce besoin aussi de créativité ou de créativité. On a besoin de penser différemment et on a besoin de créer des espaces de liberté, des cadres de liberté évolutifs et féconds dans lesquels on peut accueillir des gens qui veulent faire autre chose et leur donner la rigueur de chaque discipline, mais la mettre au service d'un projet qui est un projet qui s'adresse à la complexité du monde. Si vous cherchez à comprendre une entité complexe, une discipline va vous apporter un éclairage, mais une autre discipline vous apporterait un autre éclairage. Si vous êtes capable de combiner ces éclairages et donc de combiner ces disciplines, vous allez a priori mieux décrire la complexité de l'objet qui est devant vous. Mais alors le CRI dont on parle, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, il est situé où ? C'est combien de personnes ? Et quelles sont vos capacités d'accueil et comment est-ce que vous vous organisez ? Alors, le CRI a une quinzaine d'années maintenant et on se trouve qu'on double de taille à peu près tous les 18 mois. Donc, on a commencé tout petit. Mais aujourd'hui, on a 3500 m² dans la tour Montparnasse. Dans 6 mois, on devrait redéménager dans des bâtiments qui ont été refaits, qui nous ont été confiés par la mairie de Paris, et on a eu la chance que la Fondation Bettencourt finance les travaux, donc ça va être un lieu magnifique. On aura près de 7000 m², donc nouveau doublement. Il y aura à la c'est fois... C'est la loi de Moore à l'envers. Oui, enfin en tout cas appliqué à... Je pense qu'il y a un besoin de la société civile et des étudiants et des chercheurs de ce type de lieu. C'est pour ça que celui-ci, qui est né tout petit autour d'une salle café dans mon labo, a connu la croissance que je vous décris. Donc aujourd'hui, on accueille des étudiants et des chercheurs, des enseignants et des citoyens. On a une licence, je pourrais décrire, un master, une école doctorale. Cette école doctorale, elle est interdisciplinaire. Elle prend donc des étudiants qui veulent travailler aux frontières systématiquement. Donc les programmes s'appellent Frontières du vivant, Frontières de l'innovation, de la recherche et de l'éducation, approche interdisciplinaire de ces sujets-là. Donc on essaye de développer ces thématiques. On accueille aussi des chercheurs en résidence, puisqu'on a dans nos nouveaux locaux, on va avoir des laboratoires qui ont été construits pour nous. On va aussi avoir des logements. Et c'est intéressant d'avoir un mini campus avec une 50aine de logements. On va avoir la possibilité d'avoir des lieux ouverts, un peu comme les Fab Labs qui sont devenus assez célèbres aujourd'hui sans que j'ai besoin de les décrire. Mais on a aussi d'autres types de Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication. On a aussi des labs de création de jeux. On a des labs de création d'outils de réalité virtuelle ou d'outils qui permettent de quantifier et de créer de nouveaux instruments scientifiques qui soient en open source et donc beaucoup moins chers. Puisque si on veut rendre accessible la science à toujours plus de gens, y compris les enfants, et on y reviendra peut-être, on veut pouvoir abaisser le coût d'entrée. Et le coût d'entrée, c'est à la fois un coût cognitif, un coût de formation, mais c'est aussi un coût d'accès à la technologie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, dans nos téléphones, on a tous des laboratoires de poche. On a tous une instrumentation scientifique dont aurait rêvé certainement une bonne partie des chercheurs des âges précédents. Est-ce qu'on peut apprendre à utiliser ce qui est dans nos poches? Est-ce qu'on peut apprendre la complexité qui est... Il y a aujourd'hui de très belles couches de design, d'interface qui font qu'on en oublie la complexité sous-jacente, mais est-ce qu'on peut apprendre à comprendre un petit peu cette boîte noire qui est par exemple un téléphone ou d'une manière générale la technologie, et est-ce qu'on peut se l'approprier pour inventer de nouveaux usages? Mais est-ce qu'on peut avoir un rapport autrement que magique avec un téléphone, puisqu'on ne sait pas du tout sur quel principe il fonctionne, ni la complexité qu'il contient finalement? Parce que la facilité d'usage masque la complexité scientifique et technologique qu'il contient. Tout à fait, mais justement, inviter les jeunes, et les moins jeunes, mais en particulier les jeunes, à ouvrir la boîte noire, je pense que c'est quelque chose de très important. Le cerveau, c'est aussi une boîte noire. La technologie, c'est une boîte noire. Mais comprendre comment fonctionne son cerveau ou comment fonctionne son téléphone, c'est très important parce que ça peut permettre d'inventer de nouveaux usages ou en tout cas de mieux comprendre l'ensemble des potentiels qui sont les nôtres. Les nôtres en tant qu'être humain et aussi les nôtres en tant qu'être humain doté de technologies équipées pour explorer de nouvelles dimensions. Alors j'ai une question personnelle, François Tadéhi, à vous poser. J'aurais dû vous présenter en ajoutant que vous êtes polytechnicien, donc vous avez reçu une éducation, disons, classique, académique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question générale de l'éducation et notamment à la façon de construire une société qu'on dit apprenante? Vous avez participé à un rapport qui a été remis au mois de mars 2017 au ministère de l'Éducation nationale qui s'intitule « Vers une société apprenante » avec des propositions. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question générale qui est quand même assez loin des préoccupations classiques de l'ingénieur? Alors déjà, j'avais un parcours relativement interdisciplinaire moi-même, puisque j'ai effectivement une formation d'ingénieur, mais c'est une formation très généraliste, où on avait des cours de biologie comme des cours d'économie, des cours de maths, des cours de physique, des cours d'informatique, des cours d'histoire des sciences, des cours de psychologie, etc. Donc j'avais eu la chance à l'école polytechnique d'avoir une vraie diversité de cours, et ça m'avait vraiment ouvert de nouveaux horizons, alors qu'en prépa, beaucoup, beaucoup de maths et beaucoup, beaucoup de physique. C'est très bien, mais ça manquait un petit peu de cette diversité intellectuelle. Et puis, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai fait de la recherche en biologie. Pour comprendre l'évolution des bactéries, j'ai eu besoin de modélisation, j'ai eu besoin de simulation informatique, d'analyse de bioinformatique, j'ai eu besoin de travailler avec des gens qui étaient des spécialistes de l'écologie, de l'évolution, de la microbiologie ou des pathologies. Et ça m'avait assez naturellement amené à me dire que, effectivement, si on veut comprendre un sujet vraiment ardu et qui a tout un tas d'implications pour la société et en même temps qui est un sujet très fondamental, un petit peu comme Pasteur qui voulait à la fois... le cadran de Pasteur, c'est le cadran dans lequel on se positionne lorsqu'on veut à la fois faire de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Donc, c'est pas simplement une recherche qui ne serait qu'appliquée, une recherche qui ne serait que fondamentale. Donc, j'avais essayé d'aborder ce sujet qui a des implications, y compris dans les hôpitaux, sur la résistance aux antibiotiques, sur l'évolution de la virulence des bactéries, mais qui est également un sujet très fondamental, qui est de comprendre les mécanismes de l'évolution et même de ce qu'on appelle l'évolvabilité, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer la capacité à évoluer. Donc ça, c'est mon background scientifique, au moins au départ. Et progressivement, j'ai rencontré toujours plus d'étudiants qui voulaient utiliser différentes approches et les mettre au service de la compréhension d'un défi scientifique ou même un défi de société qui les intéressait. Et donc, j'ai commencé à les accompagner au début à toute petite échelle. J'ai ouvert mon labo et c'était très informel. Et progressivement, j'ai vu qu'ils en demandaient toujours plus. J'ai vu que des biologistes, qui avaient une formation de biologiste, pouvaient aller sur Internet et découvrir des théorèmes de mathématiques dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui étaient à la pointe. Et effectivement, cette hybridation entre les maths et la bio pouvait permettre de faire avancer les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de sujets qui soient vraiment monodisciplinaires, quasiment, parmi ceux qui sont complexes ? Parmi ceux qui, si ça a trait à la société, c'est forcément interdisciplinaire de mon point de vue. Si c'est des maths pures, ça va rester des maths pures. Mais si ça va avoir un impact sur la société, il va falloir comprendre comment la société va s'en saisir, à minima. La vaccination, c'est pas juste un problème d'immunologie. C'est aussi devenu un problème de société. Et c'est vrai de... Je pourrais prendre 1000 exemples. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis, entre-temps, j'ai eu des enfants. Et ayant eu ces enfants... J'ai vécu à travers eux une manière de revisiter le système éducatif que j'avais moi-même connu 30 ans plus tôt. Et c'est drôle parce que, par exemple, quand mon fils est arrivé en maternelle, sa maîtresse me dit « Il est très bien, mais il ne sait pas tenir des ciseaux, il a des problèmes, il est peut-être, il faudrait que vous le fassiez aider, etc. » Je dis, mais c'est intéressant parce que on m'a dit la même chose il y a 30 ans à ma mère. Et à l'époque, elle était super inquiète. Et elle pensait que son fils, qui était la prunelle de ses yeux, bien évidemment... Vous êtes une famille où on ne sait pas tenir des ciseaux. Voilà, exactement. Donc, je suis plutôt de main gauche. et elle m'a demandé si ça m'avait handicapé pour mes études. Et je lui ai pas dit qu'il n'y avait pas d'épreuve de découpage à Polytechnique, mais je l'ai pensé très fort, si tu veux. Mais c'est vrai que ça n'aide pas et que c'est... Elle avait raison de m'alerter sur les difficultés de mon fils. Quand il a eu 6 ans, sa maîtresse me dit « Il est charmant, mais il pose des questions. » Et ce « mais il pose des questions » a fait que depuis ce jour-là, je me questionne sur un système éducatif où on n'encourage pas le questionnement des enfants. Et le questionnement des enfants connaît un pic à 4 ans. Ça a été mesuré, ça ? Ça a été mesuré. Effectivement, dis papa mais, pourquoi, ou dis maman mais pourquoi. Mais dans la famille ou dans l'école ? Un peu partout. C'est probablement un problème culturel, mais aussi un problème scolaire. Et puis, il peut y avoir des aspects de dynamique normale du développement des cerveaux. Donc, il y a au moins 3 hypothèses pour expliquer. C'est-à-dire ce qu'après 4 ans, on diminue le rythme auquel on pose des questions. Exactement. Et en tant que chercheur, dont le métier est quand même de se poser des questions... L'âge que j'ai, je ne devrais plus en poser du tout. Voilà. Donc, on peut soit dire que les chercheurs sont des grands enfants, soit que les enfants sont de petits chercheurs. Et en l'occurrence, Alison Gopnik, qui est une chercheuse de Berkeley, en sciences cognitives, a montré que les enfants sont nés chercheurs. Et donc, nous sommes tous nés chercheurs, puisque nous avons tous connu ça. Et effectivement, si vous regardez un tout petit, la manière dont il apprend à marcher, apprend à parler, dont il fait des erreurs, dont il va trébucher, dont il va apprendre de ses erreurs pour progresser, et qui va être super fier lorsqu'il va réussir à faire quelque chose de nouveau pour lui, eh bien, on retrouve une partie de ces tendances chez les chercheurs adultes, qui, évidemment, ont un tas de méthodologies et de rituels un peu plus sophistiqués que celui de l'enfant. Mais néanmoins, il y a une espèce d'invariant que l'on peut retrouver. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir cette capacité de chercheur qui est en chacun d'entre nous. Mais qu'avez-vous dit à cette maîtresse qui s'étonnait que votre fils de 4 ans ou en maternelle, 6 ans, pose des questions ? J'ai commencé à dire, mais je comprends pas très bien. Il pose des questions à ses petits camarades et ça perturbe le cours. Elle dit non, non, il me les pose à moi. Je dis mais il pose des questions qui n'ont juste rien à voir avec ce que vous venez de dire. Non, non, c'est tout à fait centré. Je dis mais alors quel est le problème? Mais il pose des questions, voyons. Et là, j'avoue que j'ai pas insisté parce que c'était la rentrée, mon fils allait passer l'année entière. J'ai pas voulu créer. Et puis effectivement, je me suis dit qu'elle avait peut-être raison, au moins sur le coup. Et puis un peu plus tard, je me suis dit quand même, c'est quand même pas normal. J'aurais peut-être dû lui dire qu'on a une maladie génétique dans la famille qui fait qu'on continue à poser des questions beaucoup plus tard. Qu'il y a des métiers où, comme le journalisme ou la recherche dans lequel le questionnement est autorisé. Et j'aurais même dû lui dire que, en fait, tout citoyen se doit de questionner pour progresser. Ça nous ramène probablement... Mais elle aurait pu vous citer Kant. Parce que Kant a écrit un livre qui s'appelle « Réflexion sur l'éducation » et Emmanuel Kant dit que l'enfant, pour être éduqué, doit d'abord apprendre à se tenir tranquille, assis sur une chaise. Ah, c'est sûr que cette citation a eu pas mal d'impact. Et en l'occurrence, il se tenait assis et tranquille. Oui, mais il n'était pas tranquille. Enfin, il posait des questions. Voilà, il posait des questions. Mais cette citation de Kant pose d'autres types de questions, avec des enfants qui sont peut-être plus agités que d'autres ou qui ont plus envie de bouger que d'autres. Et il y a des expériences en cours où on montre que des enfants qui ont le droit de bouger, eh ben en fait, apprennent au moins aussi bien. Donc Kant n'avait pas la vérité révélée. On peut faire des expériences sur ce genre de choses et on peut montrer que quand les enfants ont la possibilité de bouger, au moins pour certains d'entre eux, ça fait une vraie différence. Et en fait, il faut savoir donner un cadre, mais donner de la liberté en même temps. Donc ce cadre de liberté que j'évoquais... Peut-être aussi qu'il faut organiser le questionnement, parce que si on a 30 élèves, ils ne peuvent pas tous poser des questions en même temps, et donc ça suppose des protocoles... Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire depuis... Puisque mon fils va avoir 19 ans, donc ça fait un petit moment que... Est-ce qu'il s'est coupé avec des ciseaux maintenant ? Il a appris à cuisiner, donc il commence à être un peu plus autonome. Il est capable de couper ses oignons et d'éplucher ses patates. Donc il sait faire un certain nombre de choses de ses mains, ce qui est évidemment très utile. Mais il continue à être curieux, ce dont je me félicite, même si ça n'a pas toujours été facile à différents moments de sa scolarité. Mais de manière plus intéressante, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc de canaliser ce questionnement. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, on a développé un projet qu'on appelle les Saventuriers. Les Saventuriers, c'est des enfants chercheurs qui veulent vivre l'aventure de la connaissance et de l'exploration de la connaissance. Et on leur offre donc un cadre de liberté et de questionnement qui est bien structuré, où il y a un chercheur ou une chercheuse, un ingénieur, qui peut être un parrain d'une classe et accompagner le questionnement des enfants. Donc, c'est pas simplement un chercheur qui va venir apporter la connaissance, c'est un chercheur qui va catalyser l'émergence et de l'acquisition de la connaissance par les enfants. Et ce programme maintenant, qui a été créé par Angeance Sourd au CRI, va de la maternelle au lycée, lycée professionnel inclus, et couvre énormément de disciplines et de champs de la société qui vont de la compréhension du cosmos à la compréhension de notre cerveau, les enjeux climatiques. Il y a aussi des saventuriers de l'histoire, des saventuriers du droit, des saventuriers de la sociologie ou des saventuriers de la ville. Qu'est-ce qu'une ville intelligente ? Est-ce qu'on peut inviter les enfants à se questionner sur ce genre de sujet ? Et donc c'est évidemment, le chercheur accompagne l'enseignant, qui est évidemment la personne responsable de sa classe, et qui doit avoir été volontaire, s'être inscrit, et avoir dit que ça les intéressait, que ça motivait les élèves de participer à un projet de ce genre. Et à la fin de l'année, ils font un congrès scientifique des saventuriers. Un vrai congrès dans lequel ils viennent présenter leur questionnement. Et donc un questionnement qui est passé d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique, accompagné. Et les expériences, les réflexions, les résultats et les interprétations des résultats. Puisque vous faites l'éloge du questionnement, François Dadi, je n'ai pas de scrupule à vous poser une question. Vas-y. Quelle est la chanson que vous avez choisie pour illustrer le premier épisode musical de notre émission ? Alors, j'ai choisi, c'est un petit peu l'actualité, une chanson de France Gall. Que beaucoup d'auditeurs connaissent, suivant leur âge, où elle questionne Charlemagne. Nous allons l'écouter. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De passé. 4 et 4 font 8, leçon de français, de mathématiques, que deux. Travail, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasses. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne. Participe passé. 4 et 4 font 8. Leçon de français. De mathématiques. Que deux. Travail. Sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. François Taddeï, France Gall, c'est vrai que sans Charlemagne, il n'y aurait que des jeudis. Il a vraiment inventé l'école? Non, bien sûr, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais c'est d'abord une chanson très bien rythmée, et puis ça fait partie un peu de cet imaginaire populaire qu'elle reprend à ce moment-là. Il y a eu de tout temps des manières dont les enfants ont acquis les connaissances des générations précédentes. Mais si on regarde ce que nous disent les anthropologues, c'est que c'était beaucoup d'apprentissage entre les pères, entre enfants, qui fonctionnent depuis toujours. Et progressivement, on a structuré ces apprentissages. Les Égyptiens, déjà, par exemple, avaient des méthodes pédagogiques et ils les définissaient. Ils étaient persuadés qu'il y avait une oreille sur le dos des enfants et que si on tapait suffisamment fort sur le dos des enfants, les oreilles allaient s'ouvrir et qu'ils allaient enfin écouter. Voilà, donc les méthodes pédagogiques ont évolué, fort heureusement. Elles sont moins violentes. mais on voit bien que est-ce que ça doit être une contrainte? Est-ce qu'on doit s'ennuyer pour apprendre la géographie, pour reprendre les mots Transgal, ou est-ce que on peut apprendre en s'amusant? Et en fait, on s'aperçoit qu'on apprend en s'amusant et que, par exemple, on peut projeter, même projeter au sol, l'équivalent d'une carte dynamique de type Google Earth, et on peut se plonger dans la géographie littéralement, et à ce moment-là on peut avoir comme défi de gravir l'Himalaya, de découvrir telle ou telle partie du monde, et avec beaucoup plus d'attrait. Donc on peut apprendre la géographie et s'amuser, on n'est pas obligé de s'ennuyer en apprenant la géographie. Mais il est aussi un peu question, dans cette chanson, des rythmes scolaires, le jeudi, etc. Est-ce qu'au CRI, au centre de recherche interdisciplinaire que vous dirigez, François Taddeï, on s'intéresse au rythme scolaire? Est-ce que ça vous semble une question importante? Non, je pense pas que ce soit la question la plus importante, même si elle focalise beaucoup les esprits. Je dis pas que c'est pas une question qui a un intérêt, mais le temps qu'on y consacre dans le débat public me paraît disproportionné par rapport à tout un tas d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Pourquoi est-ce qu'on y est? À quel monde on se prépare et comment on se prépare à ce monde? Alors, je voulais vous faire réagir, François Taddeï, à un texte assez court de Paul Valéry qu'il a publié en 1934 sous le titre « Propos sur l'intelligence ». Je pense qu'il est d'accord avec vous, plutôt vous êtes d'accord avec lui, mais je voudrais quand même avoir votre commentaire. Voilà ce qu'il écrit. « On définit trop l'intelligence par la scolarité. L'intelligence devient alors une classe, la classe de ceux qui ont fait leurs études. Les études sont démontrées par les diplômes qui en sont les preuves matérielles. Ce système est excellent pour la préservation et la transmission des connaissances, mais il est médiocre, sinon mauvais, pour leur accroissement. Il arrive que la preuve matérielle, le diplôme, soit plus durable que ce qu'elle prouve, plus durable que le zèle, la curiosité, la vigueur mentale de celui qu'elle institue comme membre de la caste des lettrés. Parmi les inconvénients de ce système, il faut signaler l'ankylose de l'homme dans son attitude initiale. On me dit qu'il est possible en Amérique de changer de carrière à tout âge, de passer du libéral au manuel et réciproquement. » Fin de citation. Magnifique. D'accord. Complètement, à 300%. Et ce qui est intéressant, c'est que Socrate aurait écrit autre chose, mais on aurait aussi pu être d'accord avec lui. Il y a un certain nombre de penseurs qui, depuis la nuit des temps, ont compris ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on les a si peu écoutés, et est-ce qu'on a une chance d'être plus écoutés si on relit Paul Valéry. Est-ce qu'on a plus de chances d'écouter Paul Valéry aujourd'hui ou Socrate aujourd'hui qu'hier? Et je pense que oui. Je pense qu'on a besoin de ça plus qu'hier, parce que aujourd'hui, la connaissance, ou en tout cas l'information, étant accessible en un clic ou deux, on n'a pas le même rapport, d'autant que les machines commençant à apprendre et étant en train d'évoluer toujours plus vite, si nous, la seule chose que nous savons faire, c'est par exemple mémoriser et calculer, ce qui, moi j'ai été en grande partie sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer, si c'est la seule chose qu'on sait faire, alors il est probable qu'une machine qui mémorisera et calculera mieux que nous, nous remplacera. Donc il y a d'autres dimensions de l'intelligence humaine, et plutôt que de croire que l'intelligence humaine n'a qu'une seule dimension, celle du QI, celle des études, celle du major de telle ou telle école, si on se dit qu'elle est multiple, et qu'elle elle peut être collective, et qu'elle est multidimensionnelle, alors chacun peut s'épanouir, et c'est pas l'homme contre la machine, ou les humains, le major contre tous les autres, certains qui regarderaient les autres de haut, une élite en partie consacrée par un système scolaire particulier, avec tous les défauts que Paul Valéry avait déjà compris, mais un système dans lequel, collectivement et en permanence, on va faire évoluer nos intelligences. Est-ce que ça veut dire, François, t'as dit que les machines qui deviennent intelligentes, entre guillemets, nous condamnent nous-mêmes, humains, à être de plus en plus intellectuellement fluide, c'est-à-dire à nous adapter à ce qu'elles permettent de faire et à être en une sorte de rivalité avec elles, puisque leurs progrès nous obligeront à reconfigurer notre façon d'être intelligent. Je pense qu'on a besoin de coévolution. C'est la biologie de l'évolution qui vous parle. La coévolution des intelligences ne date pas d'aujourd'hui. À partir du moment où on a vu apparaître des cerveaux, il y avait des formes d'intelligence qui permettaient un avantage sélectif, c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés, à certains animaux. Mais cet avantage sélectif, si par exemple vous êtes un prédateur qui devient un peu plus malin, ça met une certaine pression de sélection sur les proies, qui vont devoir être aussi plus intelligentes. Et donc il y a eu une coévolution des intelligences qui date depuis au moins cette période-là. À partir du moment où les humains sont apparus, le langage, etc., il y a eu d'autres manières de partager de la connaissance et d'accroître nos intelligences, notre culture. Oui, mais ces évolutions ont été très lentes, alors que là, on est provoqué de façon très rapide par des machines dont les performances s'augmentent à des cadences qu'on n'a jamais vues. Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la reine rouge de Lewis Carroll qui courait toujours plus vite pour simplement rester à la même place et qui, si elle voulait ailleurs, devait courir encore plus vite. Il faut aujourd'hui s'interroger, est-ce qu'on peut courir plus vite? Est-ce que notre système éducatif permet à notre cerveau d'évoluer suffisamment rapidement par rapport aux enjeux qui sont ceux que vous énoncez? C'est ça la question d'aujourd'hui, la question de la coévolution des intelligences. Mais moi je crois au mutualisme et à la symbiose, même si la compétition et la prédation peuvent exister dans la nature. Et je pense qu'il faut essayer de penser des scénarios de mutualisme. Le mutualisme, c'est le vivre ensemble, et donc le vivre ensemble d'intelligence. Et donc, par exemple, dans le domaine des échecs, où ça fait maintenant 20 ans que Garry Kasparov a perdu contre un ordinateur, les plus belles parties sont jouées par des hommes et des machines qui, ensemble, sont meilleures que des machines seules, qui sont meilleures que des hommes seuls. Et donc ce paradigme-là, à mon avis, est le paradigme qui me fait envie, en tout cas. Et donc je pense que les machines savent très bien faire certaines choses, mais aujourd'hui, elles sont complètement incapables d'en faire d'autres. Que vont devenir, dans ce cadre-là, les humains qui choisiront d'être complètement découplés des machines? Est-ce qu'ils seront marginalisés ou est-ce qu'ils pourront être réintégrés? Quelle sera leur vie sociale? Quelle sera leur vie professionnelle? Je pense qu'on a besoin, on nous annonce, et vous le disiez, que des métiers vont disparaître. Certains disent que c'est 10 à 50%. C'est déjà le cas. Soit disparaîtront, soit se transformeront en profondeur. Donc ça veut dire que c'est pas seulement nos enfants qu'il faut préparer à ce monde, c'est nous-mêmes. Quel que soit son métier, est-ce qu'on va pouvoir développer quelque chose complètement indépendamment des machines, ce qui n'a rien d'évident mais qui est probablement possible, ou quelque chose d'autre. Donc je pense que une des propositions qu'on est en train d'essayer de faire dans ce cadre de cette société apprenante, et il faudra peut-être définir le terme, c'est de créer des laboratoires des métiers de demain, dans lesquels on peut s'interroger sur en quoi est-ce que non seulement mon métier à moi seul, mais le métier du collectif auquel j'appartiens, va être affecté. Et si on peut, métier par métier, créer des laboratoires où on mobilise l'intelligence collective et on réfléchit sur ces questions systématiquement, je pense qu'on peut faire des choses. Parce que les machines sont très bonnes pour optimiser. Elles sont aujourd'hui pas très bonnes pour définir du sens, de la créativité, fabriquer des concepts, quelque chose de nouveau, radicalement. Donc c'est peut-être ça qu'il faut qu'on développe, et il faut qu'on ait des lieux pour mobiliser cette intelligence collective et la mettre au service de tous. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors le numéro de la revue Études du mois de janvier 2018 est justement un numéro spécial consacré à l'éducation. Et on évoque les questions que vous venez d'évoquer, François Taddeï, notamment le fait que l'école est en train d'entrer dans l'âge du numérique, ce qui interroge sa finalité. Et la question qui est posée, c'est: est-ce que l'école doit devenir un sanctuaire? Certains défendent cette idée. Est-ce qu'elle doit devenir une agora? On discute de tout. Ou est-ce qu'elle doit être un marché? Un marché, puisque on peut imaginer que des logiciels éducatifs viennent peu à peu remplacer les professeurs ou les oblige à changer de fonction. Je pense qu'effectivement, l'école va évoluer. Elle l'est déjà en train d'évoluer. Elle a toujours évolué, mais probablement, vu les accélérations du monde et des accélérations qu'on vient d'évoquer, l'accélération du changement à l'école va devoir se produire. La question, c'est vers quoi et avec qui et comment. Et donc, on peut poser toutes ces questions. Moi, je pense que ça doit être avec tous. Et qu'on doit écouter l'ensemble de la société qui doit réfléchir sur ce sujet. On doit mettre beaucoup de recherche à l'intérieur. On doit faire en sorte que c'est pas la vie de chacun, mais que la recherche puisse contribuer à mieux faire comprendre les enjeux et les possibilités, voire les risques. Et on doit être capable de s'inspirer de ce qui se fait aux quatre coins de la planète. Hein, donc une société apprenante, c'est une société qui apprend. C'est une société qui facilite l'apprentissage de chacun, à tous les âges de la vie, mais c'est une société qui, pour apprendre, s'inspire d'autres. De même que pour apprendre en tant qu'individu, on apprend en regardant ce que d'autres ont fait. Mais est-ce que la connaissance... Moi, j'interrogeais dans mon introduction le lien entre connaissance et république, finalement. Est-ce que la connaissance n'est pas en train de s'externaliser de nos cerveaux? C'est-à-dire que mon téléphone, par exemple, me donne accès à beaucoup plus de connaissances que toutes celles que je pourrais mémoriser. Et donc, est-ce que notre rapport à la connaissance peut rester le même dès lors que sont stockées autour de nous, dans notre périphérie, toutes sortes de connaissances que nous pouvons consulter en cas de besoin, mais que nous n'avons pas besoin d'avoir en tête pour qu'elles soient utilisables? Et ça, c'est une sorte de rupture avec l'humanisme. L'humanisme, c'était l'idée que chaque humain doit hériter de ce qui a été compris par ses prédécesseurs, augmenter les connaissances, éventuellement les transmettre. Beaucoup de choses doivent être réinventées, et en particulier notre rapport au savoir, qui va être effectivement plus fluide. Et je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir appris à apprendre. C'est d'avoir appris à critiquer, appris à comprendre la démarche scientifique, appris à créer, appris à coopérer avec d'autres, appris à communiquer et à savoir recevoir. C'est-à-dire qu'on va perdre la verticalité de la transmission traditionnelle ? Je pense qu'effectivement, on peut apprendre aujourd'hui dans bien d'autres cadres. Et effectivement, l'éducation nationale est traditionnellement très hiérarchique. La transmission des savoirs est traditionnellement hiérarchique. Mais depuis toujours, on peut trouver des connaissances en dehors de cette hiérarchie, et fort heureusement. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et effectivement, la question, c'est: qu'est-ce qui fait autorité aujourd'hui? Est-ce que c'est l'autorité hiérarchique, l'autorité institutionnelle, ou est-ce que c'est une autre forme d'autorité? Et c'est pas simplement l'autorité de la rumeur. Très clairement. Donc, ou de la croyance. Ou de la croyance. Et donc, il faut comprendre ce qui fait autorité. Donc, pour un scientifique, l'autorité scientifique, ce n'est pas le fait que vous êtes prix Nobel et que vous m'annoncez quelque chose. C'est le fait que vous êtes un scientifique et que vous pouvez étayer votre raisonnement et qu'on peut aller de la phrase que vous prononcez à des faits et des théories, des concepts qui sont cohérents entre eux et qui appuient la démonstration que vous êtes en train de faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Or, d'une société qui communique de plus en plus rapidement et de façon de plus en plus brève, il est difficile de réintroduire publiquement cette méthode scientifique, c'est de ça qu'il s'agit, d'une façon qui soit vraiment argumentée. De sorte que les arguments d'autorité peuvent s'imposer alors même qu'ils n'ont aucun fondement scientifique. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a développé des projets comme les Aventuriers. Et je pense que les enseignants, on a démarré dans une classe il y a 5 ans avec Angensour. Aujourd'hui, on a formé en direct et par le numérique, avec ce qu'on appelle des MOOC, hein, les cours en ligne, plus de 20 000 enseignants. Donc il y a un appétit de ces enseignants. Il n'y a évidemment aucune obligation pour eux. Ils ont choisi de s'intéresser à ça parce qu'ils comprennent exactement ce que vous venez de dire, que l'école est un lieu où on a du temps. Donc ça ne doit pas être un lieu sanctuaire, pour reprendre un mot que vous avez utilisé. Au contraire, c'est un lieu qui s'ouvre à tout ce qui se passe, mais sachant tout ce qui se passe ailleurs et pour se préparer à tout ce qui se passe ailleurs, il faut en faire un lieu où on prend ce temps nécessaire pour comprendre la complexité de la démarche scientifique, sa qualité et ce qui fait autorité dans une démonstration scientifique. Donc on se protège d'une certaine façon de la course qui a lieu à l'extérieur. Oui, je pense que savoir faire pause, c'est aussi, on doit aussi apprendre ça. C'est-à-dire qu'on doit, par exemple, on peut apprendre par le numérique, mais on doit apprendre à éteindre son téléphone. Bah tiens, on va faire une pause, là, on va passer à un second morceau de musique. François Tadei, le quinquagénaire que je suis encore, a reconnu les Pink Floyd. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur cette chanson et sur ses variantes, mais The Brick in the Wall, donc c'est une brique de connaissance. En tout cas, c'est comme ça que j'aimerais qu'on reprenne la... Est-ce que chacun d'entre nous peut acquérir et contribuer à la société sa brique de connaissances, et est-ce qu'on peut ensemble construire le monde de demain? Il y a les Pink Floyd, on disait aussi qu'ils attaquaient un mode relativement contraignant, qui pouvait être celui de l'éducation britannique dans ces années-là. Mais aujourd'hui, dans ce monde qui a changé, il faut repenser ça. Et donc je pense qu'on doit essayer de co-construire, chacun apportant sa brique, le monde de demain et l'école de demain. Et en même temps, il y a des murs à casser. Il y a probablement des murs à casser. Et ce qui est vrai, c'est que décloisonner l'école, c'est probablement une bonne chose. L'ouvrir sur le monde, permettre aux enfants, par exemple, d'utiliser le numérique, parce que lire et écrire, c'est évidemment essentiel. Mais pourquoi est-ce qu'on doit lire et écrire? On doit lire pour communiquer, pour recevoir ce que nous dit l'autre, et on doit savoir écrire pour pouvoir exprimer sa pensée et la faire lire à d'autres. Et donc tout d'un coup, ça devient beaucoup plus motivant. Si par une interface numérique, on communique et ça motive à apprendre à lire et à apprendre à écrire. Alors Bernard Stiegler, philosophe qui s'intéresse beaucoup au numérique dont on parle, est venu à ce micro il y a quelques mois. Et j'ai noté quelques-uns de ses propos de l'époque, qu'à mon avis, il pourrait tenir encore aujourd'hui. Il dit ceci, le numérique est une immense transformation au sens où immense signifie démesuré, ce dont on n'a pas la mesure. Cette transformation est presque impensée dans sa portée, car ce moment disruptif fait exploser les cadres de pensée qu'il faut reconstruire, et cela demande beaucoup de temps face à un événement caractérisé par sa vitesse. Nous avons absolument et urgemment besoin de reconstituer un pouvoir critique. Et donc la question que je voulais vous poser, François Dadi, c'est comment reconstituer un pouvoir critique dans un monde où ça cacophone pas mal, c'est-à-dire tout le monde peut s'exprimer et on ne sait pas quelle valeur de vérité on doit attribuer à telle ou telle proposition. Autrement dit, comment est-ce que dans un monde qui devient de plus en plus participatif dans les messages qui sont envoyés, on peut échapper à une forme de relativisme consistant à dire que tous les points de vue se valent et on choisira les propositions, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles nous font du bien. Il y a effectivement des biais cognitifs. Ça nous fait du bien de penser qu'elles sont vraies. Voilà. Le biais cognitif, qui est un biais de tri parmi les informations de celles qui nous rassurent ou nous font du bien. Je vous pose la question parce que la transmission à l'école, elle avait cette vertu de faire le tri et d'échapper à certains biais cognitifs, même si évidemment il en restait quand même. Bien sûr. Je pense qu'en fait, une des choses qu'on peut faire, c'est d'enseigner ces biais cognitifs. Aujourd'hui, les sciences cognitives ont beaucoup progressé et elles peuvent nous aider à comprendre les limites naturelles de notre cerveau et, via la culture, à acquérir des capacités à dépasser ces limites habituelles. Vous pensez que les neurosciences peuvent apporter des ingrédients permettant d'améliorer la façon d'apprendre ? Tout à fait. Je pense que elles doivent pas être seules dans cette transformation et ce regard critique, ce besoin de temps. Je pense que les universités, qui ont ce côté d'universalisme omnidisciplinaire très riche, devraient plus contribuer à cette réflexion. Aujourd'hui, les universités font de la recherche sur beaucoup de sujets, mais trop peu sur elles-mêmes, trop peu sur ce que c'est qu'apprendre à l'heure où les machines apprennent. Vient d'être constitué un conseil scientifique de l'éducation dirigé par un neuroscientifique, Stanislas Dohan. Oui, bien sûr. Ça vous semble une bonne idée ? Je pense que c'était enfin, je dirais. Mais la question, c'est comment s'assurer que ce qu'ils font sera entendu ? Comment s'assurer que... moi, je viens de la recherche biomédicale, comme Stan Dohan, d'ailleurs. Et l'un comme l'autre, on a des budgets de recherche conséquents, parce qu'en moyenne, dans la recherche biomédicale, on investit 30 fois plus que dans la recherche en éducation. Et alors que le budget de la santé et le budget de l'éducation sont à peu près les mêmes et que ce sont des enjeux de société qui sont du même ordre. Et la santé a beaucoup évolué et beaucoup progressé, mais l'éducation s'est beaucoup réformée sans nécessairement faire progresser les élèves. Alors que quand on lance quelque chose en médecine, on le fait en se basant sur des preuves et en contribuant à faire ça. Mais ce qu'on fait en médecine depuis très longtemps, c'est que ces recherches sont internationales. Dans le monde du climat, quand on est tous, toute l'humanité est soumise à un même défi, on a créé le GIEC, qui est ce groupe international d'études du climat. Et on peut travailler ensemble à comprendre les fondements scientifiques, les données, et il faudrait penser les mesures. Un GIEC de l'éducation ? Il faudrait un GIEC de l'apprendre. Il faudrait un GIEC de l'apprendre. Quelle est la différence entre l'apprendre et l'éducation pour vous ? Eh bien, moi j'ai appris quelque chose de Paul Valéry à l'instant, et vous n'êtes pas pour autant mon éducateur. On peut apprendre de son expérience, on peut apprendre de sa vie, on peut apprendre de ses erreurs. Et donc l'éducation, c'est une institution. Et évidemment, c'est une institution qui est censée favoriser les apprentissages. Mais ça n'est pas le seul lieu de l'apprentissage. Donc je pense que apprendre, c'est apprendre tout au long de la vie. C'est apprendre de la naissance à tout ce qui vient après. Et on a besoin d'investir plus dans la compréhension de ce que c'est que le cerveau d'un tout petit. Et de comment il se nourrit de l'ensemble de ce qui est autour de lui. Et ça, c'est pas une institution, la relation parent-enfant, par exemple. Mais comment est-ce qu'on apprend à devenir parent ? Il n'y a pas d'institution. On n'est pas éduqué pour devenir parent. Ou alors, on apprend de ses enfants. Mais vous parlez de l'international et, par exemple, la France recule dans les classements PISA, qui sont des études menées par l'OCDE. PISA, ça veut dire Programme for International Student Assessment. La France recule, d'autres pays avaient reculé avant, mais ont réagi. La France réagit peu, en tout cas, ça ne se voit pas dans les résultats. Est-ce que vous avez des idées sur la façon dont on pourrait améliorer notre position dans ce classement, qui révèle d'ailleurs qu'en France, il y a des inégalités très fortes entre ceux qui sont extrêmement bien formés et ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme? Alors, si on regarde les pays qui ont progressé dans ces classements, ou les pays qui ont su se transformer, et qui sont aujourd'hui au top de ces classements, on y trouve un certain nombre d'invariants. C'est des cultures qui peuvent être très différentes. Ça peut être l'Asie, ça peut être le Canada, ça peut être la Finlande. C'est des pays dans lesquels l'enseignant a plus de liberté que chez nous. Il y a moins d'hierarchie, moins de verticalisme. Et le programme est moins défini? Le programme est moins défini, les programmes sont beaucoup plus courts, et il y a plus de liberté, mais c'est un enseignant qui a bien été formé. Et c'est un enseignant qui apprend tout au long de la vie. Le développement professionnel de l'enseignant est crucial, et c'est un développement professionnel adossé à la recherche. Ces enseignants deviennent des enseignants en recherche de solutions, puisque face aux difficultés des élèves, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, c'est pas de ma faute, j'ai un programme à suivre, ça doit être la faute des professeurs précédents, ou des parents, ou de la génétique, ou de la société, mais ça n'est pas ma responsabilité. Les enseignants dans ces pays, face aux difficultés des élèves, se disent que c'est pas leur responsabilité de tout corriger, mais au moins leur responsabilité de faire tout ce qu'ils peuvent à leur niveau pour faire progresser cet élève. Et ils travaillent en collectif, beaucoup plus qu'en France. Et ils sont accompagnés dans ces collectifs par des chercheurs et par des méthodes de recherche qui les aident à trouver les meilleures solutions. Il n'y a généralement pas de solution parfaite. Il y a aussi des inégalités dans d'autres pays, mais elles sont beaucoup moindres. Et en moyenne, les élèves progressent tous beaucoup. Comment vous expliquez que la France, pays dans lequel la question de l'éducation est une question historique, cruciale, idéologique, on s'appuie si peu sur la recherche ? Je ne sais pas très bien. Je pense que c'est peut-être parce qu'on préfère croire à l'idéologie qu'à la preuve scientifique. C'est plus confortable. C'est plus confortable, ça va plus vite. On a peut-être plus de chances de se faire élire à court terme en ayant des postures idéologiques, en disant c'était beaucoup mieux avant, on va remettre tout le monde au garde à vous et vous verrez, etc. Donc, mais se questionner, comme Paul Valéry ou Stigler ou d'autres, on a besoin de le faire, mais ça ne doit pas être le propre de quelques intellectuels. Ça doit être un questionnement de l'ensemble de la société. On doit pouvoir s'interroger et avoir cette culture du questionnement sur quel type d'éducation et de manière d'accompagner les apprentissages de tous. Comment est-ce qu'on célèbre les apprentissages ? Moi, par exemple, je souhaiterais qu'on développe une fête de l'apprendre. Une fête de l'apprendre qui serait l'équivalent de la fête de la science ? Qui serait, sur une semaine qui serait pour moi l'équivalent de la fête de la musique plus que de la fête de la science. Une vraie fête alors. Une vraie fête, effectivement. Et on voit la différence. Dans un cas, c'est très institutionnel. Dans l'autre cas, c'est beaucoup plus chacun. Donc ce n'est plus organisé par les organismes de recherche, mais plutôt par les gens qui ont appris des choses. Exactement. Et donc cette fête de l'apprendre, ce n'est pas les institutions éducatives qui doivent l'apporter, même si elles peuvent se l'approprier aussi. C'est chacun doit pouvoir célébrer ce qu'il a appris, qui avait le plus de sens pour lui. Ça, c'est une bonne idée. La conversation scientifique vous soutiendra. Avec grand plaisir. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. On parle de la crise de l'autorité. Vous connaissez l'anagramme de la crise de l'autorité, François Taddeï ? Non. Le droit à la sécurité. Ah, intéressant. Ça fait réfléchir. Exactement. Les maîtres à penser dont on considère aujourd'hui qu'ils ont disparu, il y avait quand même un côté sympathique dans le maître à penser. Un maître à penser a pour anagramme un ami à présenter. Ah oui, c'est très beau. Donc, mais vous connaissez Mentor et le premier mentor de l'histoire? Bah, c'est dans Ulysse, non, qu'on Exactement. Le trouve. C'est le mentor de Télémaque. C'est Monsieur c'est Mentor. C'est celui qui accompagne Télémaque dans ses aventures. Donc, c'est un ami à rencontrer. Et c'est un ami qui a aidé à grandir Télémaque et qui lui a évité tout un tas de soucis. Et en fait, l'autorité s'est aidée à grandir. Exactement. Étymologiquement. Exactement. Et donc, il se trouve que c'était Athéna qui s'était incarnée dans Mentor. Et donc, si vous avez comme mentor la déesse de la sagesse et de la science, vous êtes bien. Probablement bien parti. Tout va bien. Mais alors, ça veut dire que, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire entre les lignes, si j'ose dire, c'est que le professeur de demain sera plutôt un guide ou un mentor qu'un professeur au sens classique du terme. Exactement. Je voudrais qu'on crée une académie des mentors. C'est-à-dire mentor, c'est pas très loin de menteur, c'est ça qui va pas. Dans cette appellation. Il faut revenir à l'étymologie et au sens. Mais l'académie des mentors, c'est donc les gens qui savent accompagner. Mais on n'a jamais été formé à ça. Il n'y a pas d'incitation en tant que chercheur. On n'a aucune incitation, et même enseignant-chercheur, à aller auprès de la nouvelle génération et à les aider vraiment à grandir. On progresse pas dans notre carrière aujourd'hui. Mais un mentor pour vous est différent d'un pédagogue? Oui, un pédagogue, c'est quelqu'un qui sait transmettre quelque chose de spécifique. Un mentor, c'est quelqu'un qui accompagne, même face à l'incertitude, y compris face à des choses que lui-même ne maîtrise pas forcément. Mais est-ce que vous avez des exemples de problèmes très complexes qui ne peuvent être résolus finalement que de façon collaborative, en faisant participer des gens qui ont des formations très différentes? Si on essaye de comprendre un vrai sujet complexe, ça peut être par exemple comment faire une voiture autonome qui diminue le taux d'accident, et qui, si on veut comprendre ce sujet, c'est déjà pas simple. Il faut éventuellement faire venir des juristes, etc. Mais rien que de programmer cette voiture autonome, c'est déjà un très grand défi. Il y a aussi des tonnes de questions éthiques qui sont en train d'être posées là-dessus. Mmh. Mais rien que de la programmer, c'est complexe. Et Sébastien Schroen, dans Udacity, qui est un endroit où on peut suivre des MOOC, c'est celui qui a créé la Google Car, donc la première voiture autonome. Eh bien, il essaye de former ceux qui veulent apprendre ce métier qui est très demandé aujourd'hui, pour lequel il n'y a pas de formation, qui est comment est-ce qu'on devient un ingénieur pour voiture autonome. Et donc, cette capacité-là, il la transmet via un MOOC. Mais il explique l'ensemble des choses que Google n'a pas su faire. Et il l'a donné comme un défi à des milliers d'étudiants. Et ces milliers d'étudiants ont collectivement su faire des choses que les meilleurs ingénieurs de Google n'avaient pas su faire. Mais ils se sont mis en réseau? Comment est-ce qu'ils ont procédé? Parce que... Et donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des sciences participatives. Et c'est un des exemples que je viens de citer. Si vous voulez comprendre, par exemple, l'évolution de la biodiversité en France ou sur la planète, c'est très difficile. Mais si chaque citoyen, quand il se promène dans la nature, peut faire une photo de la biodiversité qu'il observe, des oiseaux, des papillons ou des fleurs, ça peut contribuer à cartographier ça. Donc ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est des sciences auxquelles l'ensemble des citoyens participent au progrès des connaissances, et ils participent en produisant des données, ils participent en produisant des connaissances, ils participent en apportant de nouveaux questionnements. Et on peut, par exemple, faire progresser comme ça la recherche biomédicale, accompagner des maladies chroniques, accompagner des maladies génétiques. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et on a besoin de l'intelligence collective de tous, des patients, des parents des patients, évidemment des médecins et aussi des chercheurs. Tout cela semble assez merveilleux finalement, mais comme vous le savez, il y a une enquête récente qui a été d'ailleurs critiquée, qui montre qu'il y a quand même beaucoup de croyances, et même de croyances en des choses complètement fausses, qui subsistent, notamment dans le terrain de la science. Comment est-ce qu'on peut empêcher que les connaissances soient écrasées par des croyances en apparence convaincantes, éloquentes, mais complètement fausses? On revient à ce qu'on se disait, et je pense qu'il faut avoir compris la méthode scientifique. Parce qu'on a besoin, on peut pas tout vérifier tout le temps. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on croit quand on n'a pas le temps de tout vérifier? C'est souvent une affaire de confiance. Par exemple, moi je sais que la Terre tourne autour du Soleil, mais ce serait très difficile pour moi d'expliquer comment on l'a vraiment découvert. Exactement. Et donc, ça peut être plus ou moins long de trouver l'ensemble de... Et donc, est-ce qu'on a confiance dans ceux qui ont émis le raisonnement et qui nous transmettent cette connaissance? Et donc, on a besoin de... On parle de la société de la connaissance. Je pense qu'on a besoin d'une société de la reconnaissance. Et on a besoin d'une société de la confiance. Et donc, on a besoin de définir comment est-ce que l'on reconnaît la connaissance acquise comme la connaissance créée. Et ceux qui y ont contribué et les processus qui ont permis de l'acquérir ou de la créer. François Taddeï, par Internet et par d'autres vecteurs, on est presque enseveli par des tonnes de connaissances. L'ordre dans lequel elles nous apparaissent n'est pas forcément très rationnel. Comment est-ce qu'on arrive à s'orienter dans ce paysage qui semble vertigineux et dans lequel ceux qui sont les moins bien formés peuvent se perdre? Tout à fait. Je pense qu'on peut créer un service public de la société de la connaissance ou de la société apprenante, qui est un service public qui nous aide à garantir, indépendamment de grandes multinationales, à notre vie privée d'un côté, mais aussi notre droit à la connaissance, y compris à la connaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui, les données que nous avons produites sur le web ne nous appartiennent plus. Donc on a besoin de se réapproprier nos propres données pour savoir ce qu'elles disent de nous, pour nous aider à mieux nous connaître. Donc c'est une espèce de connais-toi toi-même à l'heure du numérique. Et ça doit évidemment être maintenir la vie privée, etc., ce qui est absolument essentiel. Mais en même temps, ça doit nous aider à progresser. Parce que si j'ai les traces de mon chemin d'apprenant, je peux, et que y a un dispositif qui cumule ces traces, un peu comme les fourmis laissent plein de traces avec des phéromones, et que de la trace individuelle de la fourmi naît une intelligence collective de la fourmilière qui permet de savoir où sont des ressources qui sont pertinentes. Donc en utilisant des algorithmes inspirés de ce qui se passe par exemple chez les fourmis, on peut prendre l'ensemble de ces traces d'apprenants, de ce carnet de l'apprenant, comme il y a des carnets de santé. Et, mais vous-même, tous les soirs ou toutes les semaines, vous indiquez sur un carnet ce que vous avez appris les jours précédents ? Je pense que je le fais en fait quasiment quotidiennement. Quand sur Twitter, j'ai appris quelque chose sur le web, je partage ce que j'ai appris. Donc je fais déjà ça, et je ne suis pas le seul, bien évidemment. Et donc on pourrait avoir un bouton de type « I learn », j'ai appris, sur lequel on pourrait cliquer, et ce que l'on apprend, ce n'est pas forcément ce que l'on a aimé. Et de toutes les manières, c'est pour moi que je le garde, et après je peux choisir avec qui je partagerai quoi. Mais ça peut faire émerger des cartes de connaissances. Comme les cartes de la géographie émergent des données de la fourmilière. Et ces cartes de connaissances, elles peuvent m'aider à savoir où je suis dans l'espace des connaissances, où je pourrais aller, et quel temps il me faudra pour aller de là où je suis à là où je peux souhaiter aller, parce que je veux comprendre la maladie d'un proche, ou parce que je veux trouver un nouveau métier, ou parce que j'ai une curiosité d'essayer de comprendre un sujet qui me motive. Merci François Taddeï, je crois que vous avez répondu à la question posée. La question posée c'était la République pourrait-elle perdre connaissance ? Et la réponse que vous proposez, qui me semble tenir la route, c'est non, à condition qu'elle devienne une République de la reconnaissance. Exactement. Merci, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.